fin des guerres intestines, de la paix sur la terre, les tranchées occupées par des milliers d'hommes constipent les boyaux et forment un fécalum. L'exigu passage n'autorise que les flatulences de l'âme, le début du carnage, prémisse d'une diarrhée infernale. Les sphincters diplomates ayant échoué dans leur mission, vu de l'esprit astigmate et processus de paix bidon. De la paix sur la terre, les tranchées occupées par des milliers d'hommes constipent les boyaux et forment un fécalum. L'exigu passage n'autorise que les flammes.